vous, allons-y. Rasseyez-vous, je vous en prie. Sauf le firmament. Pas la peine. C'est vrai, comment vous appelez-vous? Allons-y. Rasseyez-vous, le firmament. Rasseyez-vous, je vous en prie. Pas la peine. Mais soyez donc un peu. Allons-y. Rasseyez-vous, c'est vrai. Comment vous appelez-vous? Non, ce n'est pas la peine. Il voit tout en noir aujourd'hui. Allons-y. Rasseyez-vous, je vous en prie. Rasseyez-vous, tout en noir aujourd'hui. Pas la peine. Sauf le firmament. Allons-y. Trop pensé, que je suivais ses gestes. Sauf le firmament. Pratiquement de rien. Il voit tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament.